الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc ce soir, bi'idhnillah, on en est au deuxième vers du poème L'Amiyad ibn Taymiyyah, rahimahullah, et ce deuxième vers, il consiste en cette parole. Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Donc en français on pourrait traduire comme suit. Donc écoute les paroles ou bien la parole. اسمع كلام محقق d'un vérificateur dans sa parole. Donc ça va être au sens plus littéral, sinon pour redonner le sens de quelqu'un qui est ferme sur sa parole. Écoute les paroles de celui qui est ferme dans ses paroles. La yanthani anhu wa la yatabaddalu. Et donc là on pourrait, donc plus littéralement on pourrait traduire par et qui ne s'exempte pas ni ne revient, qui ne s'exempte pas ni ne change, qui ne s'exempte pas ni ne change. Et pour donner quelque chose de plus français, on pourrait traduire par quelqu'un qui ne dévie pas ni ne change dans son dogme. Quelqu'un qui ne dévie pas ni ne change dans son dogme. Donc ça c'est le vers sur lequel on va travailler aujourd'hui, bi'idhnillah. Donc Cheikh l'Islam il commence par dire isma', c'est fi'l amr, c'est un verbe au temps de l'amr, de l'imparfait, c'est un ordre, c'est un ordre. Oui, impératif, na'am, parce que je voulais dire impératif, pas l'imparfait, c'est un temps. Impératif, c'est un ordre. Et pourquoi il le dit à l'imparfait sous forme d'ordre? C'est pour que la personne qui l'a questionné sur sa aqida et son madhhab soit attentif à ce qu'il va dire, parce que le but de la parole, c'est que celui qui va t'écouter, il tire bénéfice ce que tu vas lui dire et qu'il mette en pratique ce que tu vas lui dire. Parce que sinon, s'il ne met pas en pratique ce qui va lui être dit, et alors il sera au même niveau en ce qui concerne les actes que celui qui n'a pas entendu. Il sera pareil que celui qui n'a pas entendu. Donc, ici, Cheikh l'Islam, il emploie l'impératif afin que la personne soit attentive à ce qu'il va dire et va recevoir les paroles du shir pour pouvoir en tirer profit. Et c'est quelque chose qui est très important à sam', l'écoute, parce que la personne, par exemple, si elle perd la vue, Une personne, par exemple, si elle perd la vue, est-ce qu'elle peut devenir savante? Est-ce qu'elle peut devenir savante? Oui. Dans toute l'histoire de l'islam, depuis le Sahaba radiallahu anhum jusqu'à nos jours, de nombreux savants musulmans ont été des montagnes de science, bien qu'ils étaient aveugles. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui est devenu un grand savant mais qui était sourd? Non. L'histoire n'a pas retenu de grands savants, on n'a pas de grands savants qui sont sortis car ils étaient sourds. Donc c'est très important, l'écoute. L'écoute est quelque chose de très important. D'ailleurs, à ce niveau-là, Allah Azzawajal, dans le Coran, il nous dit quoi? Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Donc il dit, certes, ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, c'est la même chose pour eux, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur, il a scellé leur oui et il a scellé leur vue. Et ils auront un châtiment douloureux. De même qu'il nous dit aussi, donc ça c'était dans Surat al-Baqarah, de même il nous dit aussi Allah Azza wa Jal dans Surat al-Anfal, Inna sharra dawab 'inda Allah as-sumu al-bukmu alladhina la ya'qilun. Walau 'alima Allah fihim ghayra la asma'ahum. Walau asma'ahum la tawallaw. Wahum mu'aridun. Donc il dit, certes, les plus mauvaises bêtes auprès d'Allah, ce sont celles qui sont sourdes et aveugles, qui ne raisonnent point. Et si Allah avait su qu'il y avait en eux du bien, il les aurait fait entendre. Et même s'il les aurait fait entendre, ils se seraient détournés et ils seraient revenus sur leurs talons et ils se seraient détournés. Et tout ça, Allah Azza wa Jal, il nous parle de As-sam'. C'est ainsi que la personne, elle reçoit le message. C'est ainsi que la personne, elle reçoit le message. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique, et il a dit ce qui signifie en français, celui qui entend parler de moi, juif ou chrétien, et qui ne croit pas en moi, il sera au feu. Il sera au feu. Donc l'écoute, as-sam', c'est la manière de recevoir le message. C'est la manière de recevoir le message. Donc c'est pour ça que Cheikh l'Islam, il nous dit isma', et il nous le dit en nous donnant un ordre. Et d'ailleurs, ça, c'est le fait d'agir ainsi, c'est une méthode, ce qu'on appelle هذا أسلوب من أساليب العرب. C'est une méthode linguistique chez les Arabes qu'ils utilisent dans leur éloquence. Le fait de donner un ordre pour ensuite attirer la personne afin qu'il reçoive ce que la personne va dire. Donc, isma' kalam. Donc là, on a expliqué isma', maintenant on va passer à kalam. Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi. Donc, al-kalam. Al-kalam, comme vous le savez, c'est un chapitre dans le nahou, dans la grammaire. Et donc la définition de l'kalam qui est donnée chez Nuhat, comme par exemple dans la Jérômia, il nous dit quoi? Al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil-wad'. Il dit al-kalam, c'est la parole qui est prononcée, al-lafz al-murakkab, qui est construit, c'est-à-dire qui se compose de deux mots ou plus. Al-Mufid, c'est-à-dire Yahsun al-Sukutu alayh, c'est-à-dire si la personne elle arrête de parler, Si la personne elle arrête de parler, on comprend le sens de la phrase. Bilwab, c'est-à-dire qu'il est bilwab al-arabi, c'est-à-dire qu'il est utilisé par c'est le vocabulaire propre des Arabes. C'est pas la langue française, c'est pas quelque chose qui est utilisé en langue anglaise ou autre. Et donc ici, il nous dit isma' kalam. El kalam, el qaul, est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que el kalam et el qaul, c'est quelque chose de différent? Par exemple, pourquoi il nous a pas dit isma' qaul muhaqqiqin fi qawlihi? Donc en fait là, dans Nahu, comme on a dit, le kalam, c'est comme il a dit l'imam Ibn Ajr-Rum, l'afd al-murakab al-mufid bil-wad'. Et pour avoir encore une meilleure définition, les grammairiens, ou bien les étudiants, même les étudiants en sciences, ou bien les savants, lorsqu'ils utilisent l'istidlal, lorsqu'ils utilisent l'argumentation dans la langue arabe pour argumenter quelque chose, c'est pas sur l'Ajr-Rumiyya qu'il se base, c'est sur le poème d'Ibn Malik qui s'appelle Al-Alfiyya. Et donc dans l'Alfiyya, concernant le kalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Malik? Il nous dit كلام لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم. Donc ici, on voit c'est quoi la différence entre le قول et le كلام. Ce qu'il nous dit quoi? Il nous dit كلامنا لفظ مفيد كاستقم. Il nous dit le كلام chez nous, les grammairiens, c'est un قول, c'est une parole مفيد qui dénote d'un sens, c'est une parole qui dénote d'un sens, comme on expliquait tout à l'heure, Moufid, c'est la personne quand elle parle, on n'attend pas qu'elle nous dise une suite, on comprend le sens qui est voulu. Kalamuna qawlun mufidun kastaqim. À l'exemple de, il nous donne un exemple de kalam, qui est un qawl mufid, qui est donc une parole de laquelle on peut tirer bénéfice, qui est une parole qui est complète. Il nous dit istaqim, donc là c'est un imparfait, c'est-à-dire tout à l'heure on a dit murakkab, c'est-à-dire qu'il se construit au minimum de deux composants. Ici vous allez me dire istaqim, il n'y a qu'un seul composant, parce qu'en fait quand on parle de deux composants, c'est-à-dire qu'il soit lafzan ou taqdira, c'est-à-dire que ce soit deux termes qu'on voit écrits en apparent, ou bien qu'on entend en apparent, qui sont composés de deux termes qu'on entend en apparent, comme par exemple Zaydun Qa'im. Là il y a deux termes qui le composent, et là dans Istaqim on a l'impression qu'il n'y a qu'un terme, mais en fait il y a deux termes, parce que l'autre il est induit, c'est-à-dire quand on dit Istaqim, ce qui est voulu de manière induite, c'est Istaqim Anta. Donc c'est aussi composé de mots, et c'est ce qu'on appelle ici al-tarkibu taqdiri. Le mot, on va pas non plus trop détaillé, mais c'est important d'expliquer c'est quoi al-kalam. C'est important, sous-entendu. Barakallahu fikum, donc pour la correction en whisper. C'est ça veut dire sous-entendu, pas induit. C'est un petit peu difficile d'expliquer en, c'est un petit peu difficile d'expliquer en français. Et donc en fait, pourquoi on détaille un petit peu ça? C'est parce que c'est important. Le kalam, comme on le verra un peu plus loin dans le poème, les gens de l'innovation, ils se basent sur une parole d'un poète nazaréen de l'époque qui s'appelle Al-Akhtal, et il se base sur sa parole pour donner une autre définition à Al-Kalam, pour faire le Nafi, pour démentir le fait que Allah Azza wa Jal il parle. pour rejeter cet attribut d'Allah Azza wa Jal qui est la parole. Et l'Akhtal, il a dit dans. Bien plutôt, il a attribué à l'Akhtal, parce que la vérité, comme on le verra, c'est que ce vers de poème, il lui est seulement attribué, puisqu'on ne le retrouve pas dans ses poèmes. Il dit, et donc on détaillera, là, je le cite juste comme ça, puisqu'on a, on y a fait allusion, mais on reviendra dessus. Il a dit l'Akhtal, إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد ديلا. Donc ça, ce vers-là, c'est leur base aux innovateurs pour, bien sûr, c'est pas leur seule base, parce qu'ils utilisent aussi en détournant certains versets, et ça on le verra en détail au moment voulu. Mais c'est pour dire que ce mabhath, cette recherche qui tourne autour de le kalam, elle est très très importante. Puisque les innovateurs donnent une mauvaise définition à le kalam pour servir, ne pas donner cet attribut à Allah Azza wa Jal. Donc on disait, donc kalamun al-lafz mufid kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Donc al-kalim c'est dans ici, ensuite il nous explique كلامنا لفظ مفيد كستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم. Donc il nous explique quelles sont les composantes de l'kalimatu, de la parole. Donc al-kalimatu, comme il dit Ibn Hisham dans Qatr al-Nada, al-kalimatu huwa qawlun mufradu, al-kalimatu huwa qawlun mufradu. Donc c'est la parole, donc al-kalimatu, c'est la parole singulière, là, la parole qui est seule. Et aussi ce qu'il dit, donc ما لا يدل جزئه على جزء معناه. ما لا يدل جزئه على جزء معناه. Donc c'est le قول المفرد. Ça veut dire quoi? La parole singulière, la parole seule, c'est ما لا يدل جزئه على جزء معناه. Comme il dit le Malik dans son charh de Qatar al-Nada, et aussi repris par Ibn Aqil dans son charh de l'Alfiya. ما لا يدل جزئه على جزء معناه. C'est quand on prend ces différentes parties toutes seules, elles n'ont aucun sens qui se reflèterait sur le sens du mot en entier. Comme par exemple, si on prend Zaydoun, le mot Zaydoun, dedans il y a le Za, et la lettre Zay, et la lettre Ya, et la lettre Del. Donc ces différents Ajza, ces différentes parties, c'est ces trois lettres-là. Et en les prenant toutes seules, ces trois lettres-là, elles n'ont aucun sens, aucune indication qui nous permet de comprendre le sens du mot qu'elles forment quand elles sont attachées, les trois. Donc c'est ça, donc quand on dit le qawl al-mufradu, c'est ça. C'est celui, quand on le décompose, ces différentes composantes, toutes seules, elles ne dénotent aucun sens qui nous permettrait de comprendre le mot en lui-même. Donc le kalimatu, soit c'est un ism, soit c'est un nom, soit c'est un fi'l, un verbe, soit c'est un harf, soit c'est une particule. Donc kalamun al-lafz al-mufid kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun. Donc au singulier on dit kalimatun, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, et al-qawl c'est quelque chose qui est général, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am wa kalimatun donc biha kalamun qad yu'am Donc Al-Kalim, donc quand on dit Al-Kalim, donc quand on dit Al-Kalim, c'est ce qui se compose. Donc c'est ce qui se compose de trois mots ou plus. Parce que c'est ce qu'il dit Ibn Aqil dans son charh. Il dit فالكلم فالكلمة ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد. Donc quand il dit إن قام زيد, c'est ce qu'on appelle un كلم, parce qu'il se compose de trois كلمات. Il se compose de trois كلمات. Mais la différence entre الكلم et الكلام, c'est que Al-Kalam, ça a un sens. Tu peux t'arrêter dessus, on comprend. Tandis que là, si tu dis Inqama Zaydoun, si Zaydoun se lève, ça veut rien dire, parce qu'on attend une suite. Donc, Al-Kalim, c'est le pluriel, ça va être un pluriel pour Al-Kalimatu. Ce sera le pluriel d'Al-Kalimatu. Et Al-Kalim, il faut retenir, c'est ce qui se compose de trois mots ou plus. Mais ça n'a pas de sens tout seul. Et donc il nous dit wal-qawlu am, donc la parole elle est générale, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Donc et des fois qu'on dit al-kalimatu, qui est donc le singulier, qui est donc la qui est donc au singulier, quand on dit donc al-kalimatu, parfois ça peut avoir le sens de al-qawl. Des fois al-kalimatu, elle peut avoir le sens de l'Qaoul, comme quand on dit pour la parole La ilaha illallah, on l'appelle comment? Kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas, pourtant, elle se compose de plusieurs kalimat, et en plus, c'est un kalam. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Donc, ça peut signifier des fois, al-kalimatun, on peut avoir le sens de kalam. Donc voilà, on va pas détailler plus. Je m'excuse si c'était compris, véhiqué, voire incompréhensible, parce que vraiment, expliquer la grammaire en langue française, la grammaire arabe en langue française, j'arriverai pas. Et donc, ce qu'on a cité là, c'est parce que c'est un mabhas qui est important, c'est une recherche qui est importante, al-kalam dans la langue arabe, au point que même dans Usul al-Fiqh, vous avez un chapitre qui est Babul Kalam. Babul Kalam, dans le Waraqat, vous avez ce chapitre-là, par exemple. Parce que c'est vraiment un sujet qui est important. Inch'Allah, on reviendra dessus donc, quand on parlera donc, du fait que le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. Donc, Isma' Kalam. Et donc, oui, le Kalam, donc on a expliqué ce que c'était. Et donc, ici. Pourquoi ici il a dit Kalem plutôt que le Qaoul? Donc on avait dit pourquoi ici il a dit Kalem plutôt que le Qaoul? C'est dans le sens, oui voilà en fait, voilà, c'est parce que c'est dans le sens que le Kalem c'est quelque chose qui est. Comme on a expliqué, Al-Qaoul, là, c'est plus spécifique que le Kalam. Parce que Al-Qaoul, ça englobe le Kalam et ce qui ne rentre pas dans le Kalam. Et lui, ici, ce qui est vraiment voulu, quand il dit Isma' Kalam Muhaqqiqin, c'est quelque chose qui rentre dans la définition de le Kalam qu'on a vu chez les grammairiens, qui est donc une parole de laquelle on tire bénéfice, une parole de laquelle on tire bénéfice et donc qui est composé, qui est dans la langue, qui est dans la langue arabe. Et quand on utilise le mot qawl, par exemple, quand on dit qawl ibn Taymiyyah, ou bien qawl Malik, ou bien qawl Ahmed, etc., c'est dans le sens, al-qawl, c'est dans le sens de l'avis, son opinion, ou bien aussi dans la aqida, quand on dit par exemple, hadha qawl al-mu'tazila, ou bien « Hadha qawlu al-khawarij » ou bien « Hadha qawlu al-murji'a » etc. Ça veut dire que c'est leur position dogmatique. Ça veut dire que c'est leur mu'taqad. Leur dogme, c'est ça. Donc, comme vous voyez ici, ça. Et el-kalam, c'est dans les titres, dans les chapitrages des savants anciens, dans leurs écrits, vous allez trouver el-kalam fi al-Qur'an, par exemple. Ou bien al-kalam fi l'istiwa, etc., etc. Le chapitrage qui était utilisé, c'était al-kalam. Donc c'est pour ça aussi qu'il l'utilise. Il kalam muhakkikin. Donc muhakkikin, ici c'est dans le sens de kalam. Ici muhakkik, c'est dans le sens de quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qui est sûr, qui a la certitude et qui ne revient pas sur ce qu'il dit. Parce que le problème la parole de quelqu'un dans les dogmes qui aujourd'hui va te dire telle chose, par exemple, telle chose, c'est du shirk. 3 mois après, tu vas le voir, il va te dire non, en fait, c'était pas du shirk, j'avais mal compris, je me suis trompé. Ou bien même pas, il te dira même pas qu'il s'est trompé, il te dira non, en fait, c'est pas du shirk parce que ceci, cela. 6 mois après, tu le revois, il revient à sa première position, etc., etc. Et ça c'est quelqu'un qui n'est pas muhakkik dans ses paroles, et c'est ce qui fait qu'il va toujours se yatakhabba, il va toujours s'emmêler les pinceaux et être instable. Et ça, on le trouve beaucoup chez les gens de l'innovation. Ça, c'est beaucoup les gens de l'innovation. On va les trouver un jour, ils sont sur une parole, le lendemain sur une autre, le surlendemain sur encore une autre. D'ailleurs, si on regarde dans l'histoire, les grands imams qui ont été éprouvés par les dogmes déviants, comme par exemple l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, vous savez qu'il est resté une quarantaine d'années sur l'I'tizal. Il avait été élevé et il a grandi sur l'I'tizal pendant une quarantaine d'années. Ensuite, ensuite, il s'est repenti de ça. Et il s'en est détourné. Et il a changé de madhhab pour devenir kullabi. Il est parti du madhhab del Mu'tazila pour aller à celui del kullabiyya, pour ensuite revenir à la fin de sa vie à la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, puisque lui-même il a dit qu'il est mort sur, il a dit qu'il est sur, au niveau de l'asma wa sifat, il a dit qu'il était sur le mu'taqad, sur la aqidah de l'imam Ahmed. Parce qu'à l'époque, l'imam Ahmed, c'était celui qui était haqqiq dans la aqidah, malgré les épreuves de son époque, malgré toutes les épreuves qui l'ont touché, il est resté stable sur son dogme. D'ailleurs, même les autres qui ont été éprouvés par ilm al-kalam aussi, parmi les imams anciens, que ce soit l'imam al-Haramayn al-Juwayni, celui, donc là, tout à l'heure on avait parlé de l'Waraqat dans ce fiqh, donc l'auteur de l'Waraqat, l'imam al-Juwayni, ou bien al-Fakhr al-Razi, etc. Ils ont passé leur vie dans toutes dans cette science-là, ilm al-kalam, sur la spéculation, la philosophie, etc., au point que quand ils étaient sur leur lit de mort, ils ont dit quoi? L'un comme l'autre, ils ont dit la même chose. Et ça a été aussi rapporté concernant l'imam al-Ghazali. Et tous, ils auraient dit ça à la fin de leur vie, quand ils sont morts. Laytani amutu ala aqidati ajaiz nisabur. Malheur à moi que je meure sur la j'aimerais mourir, ou bien que je meure sur le dogme des vieilles femmes de Nessabour. Pourquoi ils voulaient mourir sur le dogme des vieilles femmes de Nessabour? Parce que même si elles n'étaient pas des savantes, elles étaient sur sur une aqida fitriya, elles étaient sur la fitra, sur le dogme saint avec lequel chaque enfant d'Adam il est créé, le tawhid pur et le désaveu du shirk, Et malgré qu'elle n'ait pas de science, elle reste là-dessus tout au long de leur vie. Tandis que eux, ils sont rentrés dans différentes sciences par différentes portes. Et à la fin, pour dire quoi? Pour dire on aurait préféré mourir comme les vieilles femmes de Nisabour, sur la même chose que eux. Donc, il se met à كلام محققين في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Donc, la parole de ce muhakkik, la parole de ce muhakkik qui est donc chez là, il ne revient pas sur cette parole-là, ni il va changer de madhhab, ni il va changer de dogme. Ainsi, il reste stable. Ce qu'il a dit à ce Sa'il, qu'il l'a questionné sur sa aqida et sur son madhhab, ce qu'il lui a dit aujourd'hui, celui qui va venir 10 ans après lui reposer la même question, par exemple, il va lui dire la même chose. Il va lui dire la même chose. Et une des clés de cela, pour rester ferme sur la aqida, c'est de mettre en pratique une règle que les gens de science ils nous ont donnée, qui est stadil thumma a'taqid. Stadil thumma a'taqid. Argumente et ensuite crois. Parce que si on fait l'inverse, si on croit à une chose, si on prend une chose comme dogme et qu'ensuite on cherche les preuves pour appuyer ce qu'on croit, on va s'égarer. La personne, elle va s'égarer. Si la personne, elle est convaincue, elle arrive à se faire convaincre d'une chose dans le dogme et qu'ensuite elle cherche les arguments qui vont dans ce sens-là, qui vont renforcer ce qu'il croit, cette personne-là, elle va s'égarer. C'est comme ça que les innovateurs, ils s'égarent. Tandis que si la personne, elle a lu les versets coraniques, les hadiths, les paroles de sahaba, de tabi'in, de salaf, concernant tout ce qu'ils ont dit concernant un sujet donné, et qu'après avoir vu ces arguments-là, seulement après avoir vu ces arguments-là, il croit, c'est ainsi que la personne, elle sera sur la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et qu'elle sera préservée à apprendre et à garder et à suivre. Apprendre comme manhaj pour le reste de sa vie, en particulier pour les personnes qui sont débutantes. Quand je dis en particulier pour les personnes qui sont débutantes, c'est parce que la personne qui est débutante, alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore entendues et son corps il est encore propre de beaucoup d'ambiguïtés qui se sont propagées ces dernières années et qui ne sont pas parvenues à ses oreilles. Donc toute chose que tu veux croire, déjà lis les arguments, déjà vois l'argumentation, vois ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna et dans les livres de Salaf, et ensuite crois. Comme ça, tu seras sur la bonne voie. Tandis que si quelqu'un vient et te dit, voilà, en islam, donc pour telle et telle chose, c'est ça qu'il faut croire, et qu'ensuite il te donne des arguments fallacieux qu'il aura pris à droite et à gauche, ça va être quelque chose qui risque de t'égarer, puisque le cœur, c'est quelque chose de faible. Le cœur, c'est quelque chose de faible. Et malheureusement, nous, on n'est pas comme les savants du passé, comme par exemple Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il avait conseillé à Ibn al-Qayyim, face au Shubuhat, d'être comme le verre. C'est-à-dire le verre, c'est quelque chose qui est transparent. Et si tu lances, si tu le jettes dans l'eau, le verre, donc un morceau de verre, si tu le jettes dans l'eau, l'eau, elle ne pourra pas pénétrer dedans, mais il la verra. Le verre, comme il est transparent, il va voir toute l'eau qui est autour de lui, mais l'eau, elle ne pourra pas le pénétrer. Et c'est ainsi que le cœur de le muhakkik, alladhi la yanthani عن قوله ولا يتبدل, le muhakkik qui ne se détourne pas et qui ne revient pas sur sa parole en termes de dogme, c'est ainsi qu'il est son cœur. Il est tel un verre qu'on jette dans l'eau. Et l'eau, c'est l'image des choubouhats, c'est l'image des ambiguïtés, qui défile devant son cœur, mais il n'en absorbe aucune. Tandis que malheureusement, les communs des gens, notre cœur, il est comme une éponge. On va nous jeter dans l'eau, on va tout absorber. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre cette règle et la prendre comme manhaj et la marquer en or. C'est-à-dire, ثم اعتقد, argumente et seulement ensuite crois. Et donc inshallah on finit sur cette parole là. C'est-à-dire, ثم اعتقد. C'est-à-dire, ثم اعتقد. Une parole inshallah à prendre comme méthodologie pour son dogme. Donc voilà inshallah on s'arrête là. Donc s'il y a des questions, vous les donnez aux frères et sœurs modérateurs, modératrices, qui les remettront bismillah sur dans la partie adéquate du forum. Donc barakallahu fikum jami'a, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc je vous dis à la semaine prochaine inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.